Bonjour, amis Bélier et ascendant Bélier. Eh bien voilà, donc votre tirage du mois d'août, on est déjà le 5 août, hein, le vacances oblige, je n'ai pas pu vous le faire avant, mais donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vos amours entre le 5 et du coup fin août. Alors, ben déjà c'est bien parti, regardez les cartes que j'ai tirées pour vous. Donc au départ, la carte bleue indique que normalement c'est une bonne période qui s'annonce. Et même s'il y a des petits tracas ou quoi que ce soit, de toute façon, ils sont minimisés par cette carte protectrice. Ensuite, on a, donc vous êtes en tout cas au départ dans de bonnes dispositions, je dirais actuellement. En plus, du coup, cette ouverture, ces bonnes dispositions vous promettent par la suite, au cours du mois d'août, eh bien, la renommée, ça veut dire que, on va dire beaucoup de bien de vous, vous allez avoir du succès. Et au-dessus de vous, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un événement très très important avec la clé de la destinée qui l'annonce. On est bien dans la vie amoureuse. Un événement soudain. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, apparemment, c'est une invitation et qui va vous apporter énormément un épanouissement de votre être, de votre vie sentimentale. Donc c'est une invitation qui va vous tomber dessus. Alors soit c'est quelqu'un que vous allez revoir, soit c'est une rencontre coup de foudre, soit, eh bien si vous êtes en couple, une sortie va vraiment vous rapprocher, vous allez passer un moment assez mémorable ensemble. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à bientôt.